Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons finir l'émission avec Marie-Claude Dionne qui nous emmène loin dans l'espace et dans le temps. Direction la grotte de Chauvet en Ardèche, il y a quelques 30 000 ou 40 000 ans, quand des hommes y vivaient et y peignaient des animaux et un volcan en éruption. Alors, on découvre ça avec Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. D'entrée de jeu, je vais vous parler d'art pariétal, qui est un terme archéologique qui désigne l'art qui est souvent préhistorique, qu'on retrouve à l'intérieur des grottes. Et un des exemples les plus célèbres de l'art pariétal est donc la grotte Chauvet en France. Elle a été découverte en 1994 dans la région du Vallon-Pont d'Arc. Et en voici une brève description. C'est très récent, ça. Oui, oui, tout à fait. On en retrouve deux sections, donc une où la majorité des dessins sont de couleur rouge et de l'autre, les animaux vont être de couleur noire. C'est très simple. L'image la plus spectaculaire, selon plusieurs chercheurs, est le panneau au cheval, mais on va aussi retrouver le panneau des lions et des rhinocéros dans cette catégorie-là. Et la partie peinte en question aujourd'hui, donc la représentation du dit volcan en action, est élaborée, pardon, en quatre phases. On retrouve en premier des dessins, donc des animaux. Ensuite, on a des marques de l'occupation par la grotte des ours, donc une période d'inhabitation humaine, cela va sans dire. Et c'est suivi par la dite éclaboussure qui ressemble à un volcan. Et ça va se terminer par une représentation d'un mégalocéros, donc un grand cerf des tourbières de l'époque, qui a été fait au charbon de bois, en fait. Et ça donne une datation pour ce charbon d'environ 34 000 ans. Donc, les éclaboussures qui sont en dessous de ce dessin-là sont donc antérieures à cette date. Et pour les auditeurs qui ne sont pas connaisseurs, quelle est donc cette époque? Cette période-là, on la nomme l'Aurignacien. Donc, c'est une période qui est assez reculée dans le temps, mais on va se retrouver à avoir plusieurs vestiges assez intéressants qui en disent long sur l'ampleur de cette ancienne, très ancienne culture-là. L'Aurignacien est donc une culture du début du Paléolithique supérieur, qu'on date d'environ 39 000 ans jusqu'à 28 000 ans avant le présent, et elle va se trouver en Europe centrale et occidentale. Elle semble correspondre à l'arrivée des hommes qui sont anatomiquement modernes dans ces régions-là. Cette culture est caractérisée en fait par des industries osseuses, souvent des sagets à base fendue, ou des industries qui sont lithiques, qu'on peut penser en fait aux pièces qui sont carénées, des lamelles et des lames qui sont retouchées. Et c'est avec cette culture-là qu'on va aussi retrouver une grande diversification des parures, donc des objets que les hommes portaient, comme des dents d'animal perforées. On retrouve des coquillages, de l'ivoire et des bois de cervidés aussi. Et ben dans cette catégorie-là, on va aussi trouver l'art pariétal. Et encore à ce jour, le motif ou le dessin qui est derrière ces vestiges des périodes paléolithiques et celles qui sont ultérieures est toujours inconnue. Cependant, il y a plusieurs théories qui ont circulé et qui circulent encore aujourd'hui qui suggèrent que ces peintures-là étaient plus qu'une simple décoration d'un mur, ce qui est encore plus vrai pour les peintures qui se retrouvent dans des parties de grottes qui sont difficiles d'accès. Et de façon générale, dans le monde, où est-ce qu'on trouve cet art pariétal? On trouve, en fait, partout où on va voir la culture ignatienne. Donc, c'est dans le sud de la France, en Espagne aussi. À tout et pour tout, là, en ce moment, on a découvert plus de 300 grottes avec cet art-là. Mais c'est un type d'art pariétal qu'on peut retrouver partout dans le monde. Il y en a en Afrique, en Argentine, en Inde et en Chine aussi. Ce qui arrive, c'est qu'on va trouver ces arts-là dans des grottes de façon un peu fortuite grâce à la spéologie, souvent. Et l'art des cavernes a été, disons, découvert vers la fin du 19e siècle, entre autres avec la grotte Altamira en Espagne. Et c'est dans un temps assez reculé, donc la datation absolue n'était pas des plus connues. Et c'est pourquoi que, disons, que l'antiquité de ce type d'art-là a été souvent débattue. Il y a quelques savants ou chercheurs qui ont toutefois, à cette époque-là, cru qu'il s'agissait quand même l'œuvre d'hommes anciens, non pas quelque chose de contemporain à leur époque, et se sont donc penchés à créer une chronotypologie, et on peut penser à André Leroy-Gourhan ou à Henri Breuil, qui ont fait une typologie qui faisait la comparaison stylistique des œuvres d'art pariétales. Mais ces typologies-là se sont vite avérées à être assez désuètes, si on veut dire, lorsqu'on a commencé à utiliser la datation carbone 14. En fait, je m'explique. La datation stylistique ordonne une chronologie plutôt simple où on part de quelque chose de très simple vers quelque chose de plus complexe. Okay. Et un des exemples, en fait, qui a donné à cette malinterprétation de date, c'est d'ailleurs avec la grotte Chauvet. À première vue, l'art qu'on retrouve à l'intérieur de cette grotte-là, elle donne un style complexe et des thèmes qui sont généralement associés à des périodes beaucoup plus tardives. Mais c'est une date avec une datation absolue qui va tourner aux alentours de 40 000 ans. Donc on voit que ça correspond pas vraiment à une chronotypologie plus tardive pour la grotte de Chauvet. Donc il faut soit changer la datation de cette grotte-là ou bien changer notre approche de la chronologie des changements stylistiques, là. Tu as mentionné rapidement que les chercheurs, à une certaine époque, ont cru que la motivation d'un tel art était décorative. Qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'ils pensent la même chose? On a vers la fin du 20e siècle des analyses qui vont suggérer que l'art pariétal avait un lien avec des rituels, souvent faisant la promotion de la fertilité ou appelant à avoir une chasse qui était fructueuse. Mais là, plus récemment, on a réussi à démontrer un séquençage systématique dans la représentation de chevaux, des aurochs, qui est un ancien ancêtre du bovin domestique, mm-hmm. et des cerfs, qui correspondaient à des caractéristiques saisonnières assez précises, respectives de chaque espèce qui présentait soit le printemps, l'été ou l'automne. Et ces peintures seraient donc plutôt reliées à diverses activités quotidiennes et seraient appelées à transposer la réalité des hommes préhistoriques, autant physique que psychologique. Donc, dans cette époque, la présence de volcans en évolution serait donc possible. Oui, tout à fait. Et si c'est le cas, on se retrouve avec une des plus vieux témoignages d'une telle observation géologique. Mm-hmm. Encore récemment, on pouvait croire, et avec raison, que ce genre de témoignage-là ne pouvait en fait être que relaté par des hommes de l'Antiquité, des grands savants, philosophes. Mais en 2013, déjà, on révélait qu'une représentation picturale d'une éruption volcanique avait été dépeinte sur un des murs du site préhistorique de Kataloyuk, qui est une ancienne ville néolithique en Turquie. Et celle-ci se retrouve à être vieille de 8000 ans, quand même assez vieux. Mais là, aujourd'hui, on repousse cette date-là de plusieurs années, donc de 35 000 ans dans les environs, avec une peinture pariétale dans la grotte de Chauvet. Et comment a-t-on pu valider une telle supposition? Dans une certaine mesure, les chercheurs qui sont sous la direction de Sébastien Nomade, qui étudie la chronostratigraphie de divers sites préhistoriques, ont opté pour regarder si une telle représentation est concordée avec un événement de la même ampleur, d'une éruption volcanique, qui aurait été donc le déclencheur ou du moins l'inspiration pour cette œuvre-là. Et la méthode de datation qui a été utilisée, ça a été la datation par argon. Les échantillons qui ont été utilisés ont été pris près de la grotte de Chauveau. Et en fait, on retrouve dans le massif central plusieurs volcans de type strombolien. Et ces cônes-là sont donc visibles à l'entrée de la grotte de Chauvet. Et on a réussi, avec la datation obtenue absolue, avoir une possibilité de volcanisme dans ce bout de chaîne de montagne de volcans, en fait, entre 40 000 ans et 30 000 ans. Une date qui correspond donc à l'art pariétal qu'on retrouve à Chauvet. Mm-hmm. Rajoutons aussi que le type de volcanisme, le strombolien, mm-hmm. va produire une explosion de cils que l'on a dessiné sur les parois de la grotte de Chauvet. Donc, c'est une explosion qui entraîne une genre de sortie de lave fluide dans un grand style d'éclaboussure là, à grande échelle. Mm-hmm. Alors, finalement, ces hommes qui peignaient et dessinaient sur les parois étaient les naturalistes de l'époque, si on peut dire. Ils observaient ce qu'ils voyaient dans leur environnement et, faute de pouvoir l'écrire, ils le dessinaient. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude.